Join me on RIG. RIG. Oh, la partie, c'est un contrôleur de Nexo. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir et encore bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va bien ? Ici, ça va très très bien. Il fait beau. Bah oui, dans le studio, il fait toujours beau quand c'est l'heure de la saga des Fab Four parce que j'adore cette émission. 35e année de la saga des Fab Four. Elle a été créée en 1984 et dès que nous arriverons en 2019, ce sera la 35e année. Bref, tout se passe bien. C'est la 389e édition ici sur RIG de la saga des Fab Four. C'est sur 90.7 si vous nous écoutez en FM. Et il y en a, Il y en a même beaucoup. Et pour le reste du monde, parce que je crois pouvoir affirmer quand même que nous sommes encore plus écoutés sur le net que sur la FM, c'est sur www.rigfm.fr. Vous allez sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, pour commenter. C'est le topic qui est tout en haut, avec l'image de George Harrison, puisque George Harrison, c'est l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est 33 and One Third. Difficile à prononcer pour un Français. C'est 33 et un tiers de George Harrison en 1976. On écoutera Woman, Don't You Cry For Me. Également Beautiful Girl, j'adore cette chanson. Il y aura See Yourself. Il y aura This Song, bien sûr, True Love. Et Pure Smokey en fin d'émission. Il y aura également du McCartney, du Lennon, du Starr et des Beatles, pardon. Pour McCartney, ce sera Maybe I'm Amazed. Il y a un petit moment qu'on ne l'a pas écouté, j'ai envie de la réentendre sur l'album McCartney en 1970. En 1971, John Lennon crachera son venin avec How Do You Sleep. Ben oui, il a reconnu après que c'était pas très fin, quoi. En 73, Ringo Starr nous chantera Photograph, co-écrite avec George Harrison sur l'album Ringo. Et pour les Beatles, ce sera par exemple Magical Mystery Tour. Vous savez tout, enfin vous savez l'essentiel. Pour le reste, on en parle sur le site La Saga des Fab Four sur Facebook. Premier extrait de l'album de la semaine, Woman, Don't You Cry For Me, George Harrison sur RIG. Yeah. 33⅓ est sorti le 19 novembre 1976 en Angleterre et le 24 novembre de la même année, forcément, aux États-Unis. Il a été enregistré entre le 24 mai et le 13 septembre 1976. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cet album-là. C'est le cinquième album studio de George Harrison en solo, sorti fin 1976. Il a enregistré alors que son auteur a tout juste 33 ans et un tiers, d'où le titre, qui rappelle aussi la vitesse exacte de la révolution d'un disque de 33 tours, je le dis à chaque fois. Il marque la fin d'une période difficile pour le guitariste après son divorce. Il fréquente désormais sa future épouse Olivia et aborde la composition de façon moins plaintive que sur ses albums précédents. Ce nouvel opus comprend un certain nombre de chansons toniques et optimistes, dont This Song, qu'on écoutera, qui fait allusion de façon détachée aux soucis juridiques de Harrison vis-à-vis de sa chanson My Sweet Lord. Comme à son habitude, le musicien se fait accompagner de plusieurs de ses amis, notamment Billy Preston, Tom Scott, etc., et se charge lui-même de toutes les parties de guitare. S'il est souvent considéré par la critique comme un album appréciable de George Harrison, il peine à trouver un public déçu par ses albums précédents. Il devient cependant disque d'or aux États-Unis avec une 11e place dans les charts et se 35e des charts britanniques. Les singles qui l'accompagnent connaissent un succès honorable aux États-Unis, mais aucun d'entre eux n'entre dans le classement britannique. C'est dommage, mais c'est comme ça. Voici quelqu'un qui est rentré, lui, dans les charts. Monsieur Paul McCartney, Maybe I'm Amazed sur RG. Amazed the way you put Yeah.

version un petit peu différente de Yellow Submarine, mais ça n'est pas une version pirate, comme vous pourriez vous y attendre. C'est la version que vous pouvez retrouver sur le single de 1995 avec la chanson s'appelait comment, j'ai un trou. C'était pas Real Love, c'était l'autre. C'était, oui, Free as a Bird, voilà. Merci de me le souffler, Free as a Bird. Et donc, j'avais envie de vous proposer cette version-là parce qu'elle est bien aussi. Vous êtes bien sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. On continue avec John Lennon en 1973. Bring on the Lucy, Free the People sur RIG. All right, boys. This is it, over the hill. Always surpris parce qu'en principe ça devait continuer. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est 33 and One Third de George Harrison en 1976. Et ce titre, See Yourself sur RG. Philosophie de George Harrison dans cette chanson, il est plus facile de regarder chez les autres plutôt que de voir en soi-même ce qu'on a, quoi. Donc plus facile de critiquer les autres que de voir ce qu'on a en soi. C'est bien, c'est beau. Voici la fameuse chanson, non, c'est pas celle-là, j'avais pensé que c'était Dear Friend, non, c'est Tomorrow en 71 sur l'album Wildlife de Paul McCartney. watched all the people go by. I wonder what happens and who's taking who for a ride. Well, don't you know I'm bound? I'm bound to pick up the pieces and watch them land. Starting all over again. I just started smiling. I'm making myself some new friends. Don't you know I got? I got a brand new feeling. I just can't hide. I see where I wasted my time. You came and took what you wanted and then tried to take what was mine. Don't you know I'm tired? I'm tired of finding myself. Sincèrement, c'est un bon album que cet album Goodnight Vienna de 1974, chanté par Ringo Starr. Vous êtes sur RIG 90.7. Si vous nous écoutez autrement que sur la FM, ce sera sur www.rigfm.fr. C'est la saga des Fab Four. Et voici un titre, des Beatles, deux même. Allez, pour le même prix. Tell Me What You See, d'abord. Ensuite, il y aura And I Love Her. Parce que c'est vrai, I Love Her. If you let me take your heart, I will prove to you we will never be apart if I'm part of you. Open up your eyes now, tell me what you see. It is no surprise now, what you see is me. Big and black the clouds may be, time will pass away. If you put your trust in me, I'll make bright your day. Look into these eyes now, tell me what you see. Don't you realize now, what you see is me. How can I get through? Can't you try to see that I'm trying to get to you? Open up your eyes now,

Paul a déclaré depuis que And I Love Her ne s'adressait à personne en particulier. Mais il est difficile de croire qu'il ait écrit une chanson aussi tendre au début de sa liaison avec Jan Escher en pensant à une fille imaginaire. L'album de la semaine, 33 and One Third, George Harrison, et cette chanson, This Song, sur RIG 90.7. On en parle juste après. Fait notamment référence avec ironie au procès que le groupe de Chieftains lui intenta, difficile à dire, lui intenta pour plagial après la sortie de My Sweet Lord. C'est vrai que He's So Fine et My Sweet Lord. Bon, si on dit qu'il n'y a pas plagiat, c'est quand même un petit peu étonnant. Quelques années plus tôt, le clip de la même chanson de My Sweet Lord, réalisé par ses amis les Monty Python, est d'ailleurs une satire mordante contre l'institution juridique en Grande-Bretagne. Et le clip donc de des sangs se passe dans un tribunal. George Harrison est menotté, mais il a quand même sa guitare et le policier est obligé de suivre parce qu'il a l'autre côté de la menotte. Et le juge tape avec son marteau pour tape le rythme avec son marteau. Allez voir le clip, c'est très très très sympa. Nous arrivons à la cover. La cover. Qu'est-ce qui se passe pour la cover ? La cover, c'est une chanson que John, Paul, Ringo, George ont chantée en solo ou avec les Beatles, même si eux déjà faisaient une cover d'une chanson de, par exemple, de Little Richard, par exemple. Pourquoi pas ? Eh bien, du moment que eux l'ont chantée, si un artiste la reprend ou si vous reprenez cette chanson, pourquoi pas vous ? Eh bien, ça devient la cover de la saga des Fab Four. Je vous ai choisi un copain des Beatles. Et une chanson de George Harrison. La chanson, c'est Give Me Love, Give Me Peace on Earth, reprise par Billy Preston sur un album qui s'appelle Billy Preston Salutes the Beatles, sur RG. Might understand you. Won't you?

J'aime bien ces chansons des débuts des Beatles dans lesquelles ils chantaient tous ensemble, au moins trois, disons Paul, John forcément, et George. Ça donnait des harmonies vocales absolument fabuleuses, et c'était des harmonies naturelles. C'était pas des producteurs qui étaient allés chercher un autre gars, comme pour les boys bands, en espérant que ça marche. Non, c'était des copains qui aimaient faire de la musique ensemble et qui ont eu un certain succès, on va dire. Voici George Harrison sur l'album de la semaine, et cette chanson que j'adore également. Je crois que je le dis souvent que j'adore, mais c'est vrai que j'adore ces chansons-là. True Love sur RG, extrait de l'album 33 and One Third, sorti en 1976. Together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere. No one's to blame. I know time flies so quickly, but when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be

getting high. Everybody's flying, I never touch the sky. There's UFOs over New York, and I ain't too surprised. Évidemment pendant les sessions de Double Fantasy en 1980, mais sorti 4 ans plus tard sur l'album Milk and Honey. À l'instant, sur RG, c'était Nobody Told Me de John Lennon. Je vous propose de revenir avec les Beatles, avec Chains d'abord sur l'album Please Please Me, et après, on va vous dire que votre mère devrait le savoir. My baby's got me locked up in chains, and they ain't the kind that you can see. Whoa, these chains of love got a hold on me, yeah. A chain, well I can't break away from these chains. Animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Sing it again. Let's all get up and dance to a song. passe vite, il faut se dépêcher parce que bientôt c'est Eric et ça va être passionnant ce soir. Ça ne veut pas dire que les semaines précédentes ça l'était pas, mais ce soir ça va être vraiment passionnant. Voici George Harrison et Pew Smokey sur RIG. Ça commence tout doucement. George Harrison dit qu'il a toujours aimé Smokey Robinson, que selon lui c'était probablement l'un des meilleurs compositeurs, je cherchais le mot parce que c'est écrit en anglais, du coin. Il a écrit de superbes paroles et de grandes de superbes airs également, mais il est fantastique à voir en concert, mais on a l'impression que on oublie combien il était bon. Et là il a écrit cette chanson en pensant à lui, et il aime beaucoup donc Smokey Robinson, pardon. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson, et on fonce parce que sinon on va finir après 22h. Et ça, Eric m'a dit non, aujourd'hui non, pas plus de 22h03. Alors voici Paul McCartney et cette chanson que j'ai beaucoup aimée dès la première écoute, I Don't Know, sur RIG.

some wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jack and Rose, Dave, oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change. Sur l'album Postcards from Paradise sur RG. Dans quelques minutes, ce sera Johnny de A à Z avec Eric. Take a chance on what's ahead, you'll never know. And down every road you come to bridges. Some are crossed and some get burned. And some you tear down and new ones get built from what we learn.

arrivons au terminus, tout le monde descend, s'il vous plaît. Restez aussi longtemps en compagnie de la saga des Fab Four. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous laisse entre de très bonnes mains et avec de la très très bonne musique, celle d'Eric, avec beaucoup beaucoup de bonnes choses dans cette émission qui s'appelle Johnny de A à Z. Salut, à très bientôt, ciao. Mais décidément, hein, tu es exact, tu es parfait, 22h03.